Tel que vous me voyez, je suis sur le cul. Ich bin an der Desch, comme on dit à Francfort. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire qui s'est passée en Chine en septembre dernier quand les Japonais ont organisé une partout géante avec 500 putes. Alors là, les Chinois, ils ont pas du tout apprécié. Mais pas du tout. Faut dire que les Japonais, c'est pas la moitié des enflures, hein. Ils avaient organisé l'événement fessier pour célébrer le début de l'invasion japonaise en Chine. Ah, cette semaine, il y a donc eu un procès des Chinois qui avaient collaboré. Des Japonais qui avaient collaboré avec les Chinois et vice versa. Et comme j'ai été demandé par les Japonais comme consultant partout, j'ai dû aller aussi chez les Chinois pour rendre des comptes. Eh ben, je peux vous dire, je me suis pas déplacé pour rien. Ça a commencé à l'aéroport de Shanghai, et puis péniblement, je suis arrivé au tribunal. Bon, elles sont où les hôtesses? Ah, on va aller. Oh, hé, hey, fleur de lotus. Ouais, viens ici. Elle est où la salle d'audience pour le procès de la partout avec les Japs? Moi pas fleur de lotus, moi être... Oh là là là là, c'est qu'elle est susceptible, beignet de crevettes. Monsieur, vous êtes en train de m'insulter. Je tiens quand même à vous dire que je suis... Ouais, une belle casse-couille, oui, oui, je sais. Je savais pas que les chiennes de garde les envoyaient jusque chez vous. Je suis scandalisé, bah... Oh, tu dois paniquer souvent, toi, hein. Moche et agressive, le cocktail de la mort. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec toi, graine de saké. Tu vas me dire où est la salle d'audience pour le procès de la partouze où je te travaille le fion à coups de pompe, moi, hein. Eh, méfie-toi, fille du Mekong. Je suis pas en tong, moi. Je pars des Santiago. Elle a fini par m'indiquer où était la salle d'audience et je me suis installé. Au bout de 10 minutes, la cour est arrivée. Et le président, c'était la casse-couille du couloir. Ah putain, c'était pas gagné. Au bout d'une heure, tous les Chinois impliqués dans cette affaire avaient été démocratiquement condamnés à mort. Et puis mon tour est arrivé de passer à la barre en même temps que le japonais organisateur de l'événement. Quand la présidente a fini de nous pourrir pour notre attitude de pervers méprisant de la culture japonaise, le japonais à mes côtés s'est mis à pleurer et à s'excuser. Oh, c'est là que je me suis énervé. Mais qu'est-ce que tu fais, le Jap? T'es malade ou quoi? Et la fierté des samouraïs? T'as fait quoi, vieux sushi? Oh, désolé, président du tribunal, je ne suis qu'une merde immonde d'avoir organisé une telle réunion de débauche dans votre si belle ville de Shanghai. Oh, mais je rêve! Tu vas la fermer, bioman, ou je te crève le foie, moi! D'où tu t'excuses? De demander au peuple chinois de pardonner mon attitude indigne d'un voisin ami. Ah, remarque, on peut dire que t'as une certaine logique dans ta façon d'agir, Sankukai. Au bordel, comme au tribunal, t'es super rapide pour baisser ton froc. Et puis il a continué à geindre, à se confondre en excuses, le ninja. Oh, du coup, ça m'a énervé. J'ai bu un petit coup pour me calmer. Le problème avec le schnapps, c'est que si t'en prends un peu, ça te calme. Mais si t'en prends un peu trop, plus de 20 litres, ça a l'effet inverse. Ça te rend fou furieux. Je me suis mis à poil, j'ai chanté Lily Marlène, la reine du bordel. Quand les policiers sont venus pour me choper, je leur ai fait pipi dessus. Au bout de 10 minutes, les 6780 flics de la ville ont réussi, difficilement, c'est vrai, à me ceinturer. Et j'ai pris l'avion attaché dans la soute direction Paris. Oh, je viens à peine d'arriver. Inutile de vous dire que je suis furieux et que je vais à présent vous laisser pour aller avec mes 52 cousins pisser contre les murs de l'ambassade de Chine. Allez, au revoir.